بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فبفضل الله تعالى قد كملنا الجزء الأول من هذا الكتاب. Par la grâce d'Allah سبحانه وتعالى، on a fini la première partie de ce livre qui concernait le tawhid et la aqida. Souvent les gens demandent c'est quoi la différence entre le tawhid et la aqida. Le tawhid, ma yakhtas bi billah, bi ifradillah fi l'ibadah wa fi asma'i wa sifati wa fi rububiyati. Le tawhid, c'est ce qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala dans son unicité, sous toutes ses formes. Et la aqida, c'est plus large. Et le tawhid rentre dans la aqida. Et la aqida, ça touche le tawhid, ça touche les choses de la sunnah, les choses de l'invisible, les choses qui se passent après la mort, et autres. Donc c'est plus large. Naam. Et là, on rentre dans la partie du fiqh. Le fiqh, qu'on traduit souvent, bon, ils traduisent par jurisprudence, parce que c'est un peu l'équivalent en français. Le fiqh, à Wallen, l'oratan, c'est al-fahm ma'al nafa. C'est comprendre une chose qui était avec, en tirant profit. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal dit souvent à propos des kuffar dans son livre, la yafqahoun. Et non pas la yafhamoun. La yafqahoun ma'anaha, ça veut dire qu'il y a une chose qui leur vient, ils peuvent qu'ils la comprennent au premier abord, mais elle ne leur sert à rien, parce que soit ils n'y croient pas, soit ils n'appliquent pas, ou à la zalika. L'intafiouna biadil ashia. Elle ne leur sert à rien, parce que malgré tout, ils ne finissent pas par entrer en islam. Fala yafqahoun. Aza wal fiqh. Wal fahm ma'anafa. La compréhension avec l'utilité. Non. Et Shal'an, huwa ilm fi ma'rifat al-adilla tafsiliya fi al-masail al-amaliya. طيب, تقريبا on peut dire comme ça. C'est ma'rifat al-ahkam plutôt l'ahkam al-amaliya, non, bi adillati al-tafsiliya, non, plutôt comme ça. C'est connaître les règles qui sont liées au rite en connaissant les preuves de façon détaillée envers ce rite en lui-même. Par exemple, le fiqh dans la salat, c'est connaître les règles de la salat, chaque geste, chaque pilier, chaque obligation avec son dalil. Dans le siyam, c'est pareil. Dans le hajj, c'est pareil. Voyez, il y a l'ahkam, ma'rifat al-ahkam al-amaliya bi adillatiha tafsiliya. Connaître les règles qui sont liées au rite avec leurs règles, avec plutôt leurs preuves détaillées. Ce qui diffère de usul al-fiqh. Usul al-fiqh, c'est plus connaître le jugement d'une chose par rapport au terme arabe. Là, le fiqh, c'est pas connaître le jugement d'une chose, c'est comprendre comment faire cette chose-là. Exactement. Non. Et donc, là, dans cette partie-là, l'auteur, il va aborder ce qui est parmi les actes obligatoires pour chaque musulman, ou ce qui rapproche, ce qui se rattache à l'obligation. Les choses dont on a tout le temps besoin. Les choses fondamentales. Faqal, fi sual al-awwal, ou plutôt, awwal dans ce juz, mais qui est en vrai la 51e question du livre, yaqul, qul ibada labud laha min niyyah. Toute adoration doit nécessairement avoir une intention. والنية محلها القلب. Et la place de l'intention, c'est dans le cœur. L'intention est une chose qui ne se voit pas. Elle est dans le cœur. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. عمر بن الخطاب dit, j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire que les actes ne valent que par les intentions. Cette intention, c'est par celle-ci que Allah Azzawajal va prendre en compte ton adoration. Si elle est pour lui ou pas pour lui, ou si elle est mangée autre que lui. Également, cette intention vient pour différencier entre les différents, entre les différentes œuvres. Par exemple, quand tu fais les salat al-dhuhr, tu mets une niya pour une action qui est obligatoire. Quand tu fais le doha, tu mets une niya pour une action qui est surrogatoire. Ce ne sont pas les mêmes. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, quand tu fais une chose, tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Donc là, ça commence dans le cœur. Bil niya. Et bien sûr, la niya première, c'est l'ikhlas. Plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. À savoir qu'il y a certains actes en religion qui, en réalité, ne sont pas rattachés à l'intention. Ils ont lieu quand même, même sans intention. Par exemple, une dette. Tu as une dette à rendre à quelqu'un. Tu as de l'argent. Tu lui rends l'argent sans mettre de niya. Ta dette, elle est remplie. On ne va pas dire, ouais, t'as pas mis niya, tu dois rendre la dette à nouveau. On dit non. La dette, elle est remplie. Vous voyez, par exemple, quand c'est lié au droit des gens dans ce genre de domaine, c'est pas dans tout, hein. Et par exemple, comme dans celui-ci, tu as rendu une dette à quelqu'un, sans mettre de niya de plaire à Allah Azzawajal ou de mettre à côté de l'adoration, la dette, elle est remplie. Tu n'as pas à la recommencer. Non. Donc chaque acte que tu vas entreprendre a besoin d'une intention. Et d'ailleurs, on a expliqué que ça, c'est parmi les trois conditions d'acceptation des œuvres. Première, l'islam. Deuxième, l'intention. Et troisième, le suivi prophétique. Donc ça, c'est une chose qui est importante. D'ailleurs, l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a commencé son livre par ce hadith-là. Innamal a'mal bin niyat. Pourquoi ? Car tout ce qui va suivre est basé là-dessus. Il y a même des ulama qui disent que chaque chapitre dans chaque livre devrait débuter par ce hadith. Tant il est important. Et par une simple intention, deux personnes peuvent faire un acte similaire, et pourtant, comme l'a dit Charles Semin, بِيْنَهُمَا أَفَرْكَمَا بِيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Il y a deux personnes qui vont faire un acte qui en apparence sera similaire. Et pourtant, il l'a dit entre les deux, il y a une différence comme entre les cieux et la terre. Il y en a, il a une bonne niya, et l'autre, il a une niya qui est fasida. Par exemple, quelqu'un qui va faire une salat, un exemple, hein. Un exemple, sa niya, elle a fait pour Allah Azzawajal. Et un autre, il fait la même salat que lui, il prononce comme lui, il reste le Coran autant que lui, peut-être même mieux que lui, mais sa niya, elle est pas pour Allah. Toi, tu vas pas le voir. Quelle différence qu'il y a entre les deux? T'en as un, sa salat, elle est pour Allah, il est mu'min. L'autre, c'est du riya, ostentation. Sa salat, elle est bâtila. Et voire même, ça peut être du chef akbar. Ça dépend à quel degré, sa niya s'est éparpillée. Déjà, sa salat à lui, elle est invalide, sûr. Et pourtant, quand tu le vois, tu peux te dire qu'il a une salat qui est vraiment belle à voir, avec le khushur, avec une belle voix, avec une belle gestuelle, et pourtant, sa niya n'est pas là. Non. ثم قال في السؤال الثاني وخمسين 52e question التلفظ بالنية بدعة. Prononcer l'intention est une innovation. والدليل حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Le fameux hadith qui est lui-même la troisième condition d'acceptation des œuvres. Quiconque invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela lui est rejeté. Donc toute bid'a est également expliquée. Toute bid'a est rejetée. Donc l'intention, on avait dit quoi au début, est dans le cœur. Donc il n'y a nul besoin de la prononcer par la langue. Sans quoi même, c'est une porte au west-west, tu vas jamais t'arrêter. T'en as par exemple, je sais moi à l'époque quand j'avais, sur mon chemin, j'avais rencontré on va dire les Arbèches. Je les avais un peu fréquentés avant de savoir qui ils étaient. Eux, ils disaient cela, qu'avant chaque salat, faut que tu penses à Niya. Tu vois, je vais faire le Zor. Pour Allah. Wakaza. Mais si tu fais ça, tu vas pas t'arrêter. Bah, avant le recours, tu vas dire, je fais le recours. Avant le sujoud, tu dis, bah, ça se joue. Tu vas pas t'arrêter si tu fais ça. Donc ça n'a pas d'origine en religion. Ta niya est dans le cœur et Allah Azzawajal, il la connaît. Toi, tu as juste à prononcer ce qu'il a prononcé. Takbirat al-Ihram, quand tu commences la salat. Ou la basmala, ce genre de choses. Il y a quand même la basmala, tu l'as fait à voix basse. Mais prononcer l'intention, cela n'a aucune origine en religion. C'est une bid'a. Naam. Par contre, prononcer l'intention avant la salat n'annule pas ta salat. Ça, c'est une chose qui est indépendante. Vous voyez, quand tu prononces l'intention, la salat, tu n'as pas encore débuté. Ça n'en fait pas partie. Mais tu auras commencé ta salat sur une chose qui peut annuler, par exemple, la baraka par la suite. Mais la salat ne l'annule pas. Parce que tu n'as pas encore fait le takbir. Et par exemple, eux, ils vont se dire que si j'ai pas prononcé la niya, ils vont recommencer leur salat. On va dire, subhanallah, j'ai oublié de dire que je faisais le dhor, ils recommencent. Wallahi azbillah. Donc, prononcer l'attention n'est pas une chose à faire. Et quant à la mas'ala de la talbiya pour le hajj ou le umrah, ça, ce n'est pas prononcer l'intention en soi. Cela fait partie des rites. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc on a un texte explicite qui dit qu'il l'a fait. Donc on le fait. Au même titre que dire Allahu Akbar quand on rentre dans la salat. La talbiya fait partie des rites à faire. Elle n'est pas en elle-même une prononciation de l'intention. Bien que ça y ressemble. Mais le but n'est pas là. Le but c'est, quand on fait ta'aboudan lillah azza wa jal. Car le Nabi sallam nous l'a enseigné, donc on le fait pareil. Et on n'a pas à faire de kriyas, d'analogie par rapport à ce rite, pour le faire en toute adoration. C'était juste pour le hajj ou la umrah. Donc là, on vient de parler de la bid'a, l'innovation. Fayaqulu fi su'al al-thalith wa al-khamsin, 53e question. Fayidha qila lak ma hiya al-bid'a. Si on te demande, qu'est-ce que l'innovation? On en a déjà parlé dans les autres doulous, mais on va le répéter encore. قال فقل هي ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد وليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. Dit, c'est ce qui a été inventé après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام avec la volonté d'en faire une adoration. Ça, c'est une condition qui est très importante. Quand tu fais cette chose-là, ton intention, c'est de te rapprocher d'Allah, de faire une adoration. Et cette chose-là n'a aucune preuve tirée du livre ou de la sunna. Et c'est la bid'a. Quand on a compris cette définition-là, eh ben, on voit, qu'est-ce qu'une bid'a? Une chose que tu fais pour plaire à Allah Azzawajal, qui s'est déroulé un acte que le Nabi Sallam n'a pas fait, et qui n'est basé sur aucune preuve. Comme par exemple, ce qu'il a cité auparavant, prononcer l'intention avant de faire l'adoration. Cela, le Nabi Sallam ne l'a pas fait, et on n'a aucun hadith et aucun verset qui y appelle. Donc ça relève de l'innovation. Il y a des choses, des fois, que le ulama, yuqal anhum stahsanuh, des choses qu'ils ont vues comme étant bonnes. Même si c'est akbar al-ulama, le plus grand des savants, qui estime cette chose comme étant bonne et qui n'a pas de dalil, alors lui-même n'est pas un argument en soi pour dire, comme Shirintel, il a dit, qui voyait que cette chose-là comme était bonne, la juge bonne, ça ne veut pas dire que c'est une chose qui soit légiférée forcément. Il faut voir d'où il a tiré. D'où est-ce qu'elle provient? Car les hommes ne sont pas infaillibles. Même des sahabas n'y ont pas échappé à ça. Ils ont fait des ijtihadats dans certaines masa'il et n'ont pas vu juste. Mais eux, ils sont pardonnés d'avance. Mais nous, si on sait que cette chose-là, même s'il vient d'un sahabi, mais qu'il n'a pas de preuve, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite, ou voire même que d'autres sahabas ne l'ont pas approuvé, alors on n'a pas à la faire sous prétexte que tel sahabi l'a faite auparavant. Ce n'est pas une preuve. D'ailleurs, l'acte d'un sahabi ne devient un argument que lorsqu'il fait une chose qui ne s'oppose pas à un dalil et qui n'a pas été connu d'autres sahabas qu'ils aient contesté ce qu'il a fait. Ne serait-ce qu'un seul sahabi qui contesterait, cela pourrait suffire à rendre vain l'acte de l'autre, plutôt qu'en dire le rendre vain, dire que ce n'est pas un argument. On dit bien qu'il fait un acte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, ou qu'il n'a pas de dalil à l'appui, et que d'autres sahaba ont contesté. À ce moment-là, son acte n'est pas un argument. Mais dans le cas contraire, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Donc là, on parle de la bid'a qui, elle, est en religion. Et la bid'a, elle est de deux sortes. Il y a la bid'a al-mufassiqa et la bid'a al-mukaffira. T'as la bid'a qui fait de toi un fasiq, et t'as la bid'a qui fait de toi un mushrik. Ça qui fait de toi un mushrik, c'est ça qui t'amène à faire du shirk. C'est-à-dire que tu fais une chose que tu estimes comme étant un acte d'adoration pour Allah Azzawajal, ou qui est tiré d'une adoration pour Allah Azzawajal, et tu innoves dedans pour en faire un acte pour autre que lui. Par exemple, égorger auprès d'une tombe pour autre que Allah, c'est une bid'a. On fasse siqa. Car l'égorgement ne se fait pas autour d'une tombe. Et le fait que tu l'aies fait pour autre que Allah Azzawajal, c'est du shirk. Et exemple d'une bid'a, mufassiqa, par exemple, prononcer la niya avant la salat. Ou avant toute adoration. comme l'a cité l'auteur comme exemple. Et les bidas, il y en a plein, malheureusement. Aujourd'hui, elles sont plus nombreuses que les sunan. Car le faux, bien sûr, est malheureusement plus répandu que le vrai. Donc quand on fait une adoration, il faut savoir une chose. La base dans l'adoration, on l'a pris dans Al-Qawaid al-Fiqhiya, Al-Asl fil-Ibadah wa al-Tahrim. C'est-à-dire que la base d'une adoration, c'est qu'elle est interdite, tant que tu n'as pas une preuve qu'elle est permise. Quand quelqu'un fait une adoration, il doit t'apporter une preuve, s'il la connaît ou des fois il ne l'a même pas mémorisée, de ce qu'il fait. Il ne va pas te dire, non, c'est à toi de me donner une preuve que ce que je fais, c'est une bida. On dit, non, c'est à toi de prouver, de donner une preuve que ce que tu fais, c'est sunnah. Car à la base, on ne fait rien tant qu'on n'a pas une autorisation ou un dalil qui dit que cette chose-là, il faut la faire. Chapitre du savoir avant l'acte ou la parole. Donc on doit savoir avant d'agir. Et c'est comme ça que les Nasara sont égarés, c'est qu'ils ont agi sans savoir. Aujourd'hui, on va prendre que ces trois questions-là, car à la suite, ce suivra, sont des questions qui sont relatives les unes aux autres. On ne peut pas avoir à interrompre. Mieux vaut s'arrêter ici, Inch'Allah, Lyon. ونكتفي بهذا وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك